Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, les questions des auditeurs du Centre dramatique national de Normandie à Michel Onfray. Ah bon. Bonjour, bonsoir. Merci. La dernière séance, vous aviez parlé de la métaphore de Gulliver, et j'aurais voulu savoir si, dans votre esprit, cette métaphore était un aboutissement ou, au contraire, une formule à partir de laquelle on pouvait penser à une forme politique libertaire, en fait. Écoutez, on peut même reprendre une phrase de Descartes. Je ne sais plus où j'avais lu ça, peut-être les méditations métaphysiques. Je ne pense pas que ce soit le discours de la méthode, mais enfin, je sais que c'est chez Descartes, ou peut-être une lettre. Mais enfin, Descartes, parce que j'étais adolescent, je me souviens que j'avais écrit ça, j'avais punaisé ça à la tête de mon lit, et Descartes posait la question, se changer ou changer l'ordre du monde. Se changer ou changer l'ordre du monde. Il proposait ça comme une alternative. Ou on se change, c'est-à-dire on se modifie, ce que proposent tous les philosophes de l'Antiquité, on fait un travail sur soi-même, une conversion, il y a la vie avant la philosophie, la vie après la philosophie, puis la vie philosophique qu'on peut mener, etc. Ou alors on change le monde pour que les choses progressent. On peut toujours donc imaginer que soit ça passe par l'individu, soit ça passe par la totalité. Il y a un monsieur qui n'avait pas l'air content la dernière fois et qui disait égoïste, petit bourgeois ou ce genre de choses. On peut considérer que la solidarité et la fraternité, on peut y parvenir avec des sommes d'individualité. Que l'individualisme n'est pas que petit bourgeois. Si l'individualisme, je le rappelle, hein, l'individualisme, c'est pas l'art de ne penser qu'à soi, c'est ce qui nous fait dire qu'il n'y a que des individus. C'est pas du tout la même chose. Un égoïste pense qu'il n'y a que lui, un individualiste pense qu'il n'y a que des individus. Alors peut-être suis-je égoïste, ça ce serait aux autres de le dire, mais individualiste, ça oui, je le revendique. Il n'y a pour moi que des individus. Peu importe, j'ai eu l'occasion aussi de le dire, que les gens soient de droite, de gauche, croient en Dieu, n'y croient pas, ou je ne sais quoi, ce n'est pas mon problème. Ce sont les individus qui m'intéressent ou qui ne m'intéressent pas. Ce n'est pas ce qu'ils sont à partir de l'allure ou de l'habillage. Donc on peut imaginer que cette opposition que Descartes nous propose, se changer ou changer l'ordre du monde, est une fausse opposition. Parce qu'en se changeant, on change l'ordre du monde. Et que peut-être en changeant l'ordre du monde, on change aussi les individus. Moi, je tiens pour cette réconciliation-là. Je pense que si on se change, on change l'ordre du monde. Alors évidemment, on peut se faire traiter de petit bourgeois justement par celui qui, lui, attendra la révolution demain et ne la fera pas. C'est-à-dire, pendant que Rirette fait la vaisselle, on fait la révolution avec son copain Politzer. Moi, je pense que si, effectivement, on croit que le féminisme est une bonne chose, eh bien, on incarne le féminisme. Et si chacun défendait les idées auxquelles il croit, alors le monde ne serait plus ce qu'il est comme il est. C'est-à-dire que si tous les chrétiens étaient chrétiens, ce serait extraordinaire. Pardonner, enfin, quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire s'ils pardonneraient, ils aimeraient leur prochain, on leur mettrait une baffe, ils en rendraient une autre, etc. Enfin, ils diraient, ils tendraient l'autre joue plutôt que de faire, etc. Si les psychanalystes, etc. Enfin, on pourrait refaire l'histoire comme ça en disant si tous les gens de gauche étaient généreux, partagés, et se montrer solidaire, etc., ça suffirait bien, plutôt que d'attendre demain qu'on change l'ordre du monde, parce qu'on change demain l'ordre du monde, et en attendant, l'ordre du monde, il continue à être ce qu'il est. Donc c'est pas, à mon avis, enfin, pour répondre à votre question, c'est pas un début, c'est pas une fin non plus, c'est simplement un changement de méthode. Je crois que quand vous regardez dans l'histoire des individus, je me suis trouvé à Bénarès, par exemple, à l'endroit où Bouddha a commencé, d'une certaine manière, où le bouddhisme a commencé. Vous vous dites, mais le bouddhisme, vous avez vu ce que c'est devenu sur la planète, regardez le christianisme, ça démarre quand même avec un personnage, le christianisme, et 12 copains. Donc vous vous dites, mais après tout, après vous avez la possibilité de développer ces idées-là, de les incarner, puis vous faites des communautés, puis etc., etc. Le marxisme, ça démarre avec Marx. C'est-à-dire qu'il faut bien que, pour cristalliser des communautés, pour cristalliser des mouvements collectifs et communautaires, vous puissiez avoir au départ des individus qui donnent des hypothèses, qui vous disent « voilà ce qu'on peut faire ». Et bien sûr qu'on peut toujours imaginer qu'il y a un sens à l'histoire, que le sens de l'histoire, c'est immanquablement la révolution, le progrès, etc., etc. Pas sûr. C'est pas, on peut le croire. Moi, je ne le crois pas forcément. Je crois simplement qu'il y a des mouvements dans l'histoire et puis il y a des individualités. Il y a des individus. La résistance, c'est d'abord le général de Gaulle. C'est un individu qui, un jour, dit non. C'est d'une névrose totale que de dire bah, « la France dit non puisque je dis non ». Et puis voilà, dire « mais il est fou ce type ». Puis on voit ce que ça donne. Et c'est l'honneur de la France. Donc il y a des grandes individualités qui sont des inducteurs. J'ai vu l'occasion, l'année du 19e siècle, de l'un des 19e siècles, probablement le démonisme social, de parler du grand homme. Il y a deux conceptions du grand homme, et peut-être est-ce la même, mais une qui consiste à dire, comme Hegel, que c'est l'histoire qui fait le grand homme, et l'autre qui consiste à dire que c'est le grand homme qui fait l'histoire. Parce qu'il faut des conditions de possibilité pour que surgisse une figure qui cristallise. On le voit bien, dans la période des élections présidentielles, je dirais, ça cristallise ou ça cristallise pas. Et ça s'invente pas, la cristallisation. Il faut qu'on rencontre l'esprit d'une époque. Et donc, il y a des gens qui sont là avant l'heure. Il y a des gens qui sont là à la bonne heure. Et je crois que si on défend cette idée-là, l'idée de ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure dans l'Antiquité, c'est-à-dire construisez-vous déjà comme une subjectivité exemplaire. Et quand on se construit comme une subjectivité exemplaire, on est déjà dans la politique. On est dans la politique dès qu'il y a un second, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Mais dès qu'on est deux, il y a déjà de la politique. Parce qu'il y a de la relation, parce qu'il y a du contrat, parce qu'il y a de la possibilité de domination et de servitude, parce qu'il y a de la possibilité d'assujettissement, d'asservissement, de dictature, d'autorité ou de liberté. Donc ça démarre comme ça. Le couple est déjà une formule politique. La famille est la première des cellules politiques. Un enfant, deux enfants, des familles recomposées, etc. Donc, et puis après, ça continue. C'est-à-dire que vous avez la communauté, le village, la tribu jadis, le village aujourd'hui. Voilà pourquoi on peut penser la pensée anarchiste sur le terrain du communalisme libertaire. Vous avez dans la pensée anarchiste, puisque vous avez parlé de pensée libertaire, vous avez tout et le contraire de tout. Vous avez, alors là, pour le coup, un égoïste qui est Stirner et qui dit « moi d'abord et le reste ». Et puis c'est même pas « moi d'abord », c'est « moi seulement ». Et moi uniquement, je suis l'unique, c'est le sens de son titre, l'unique est sa propriété, où il dit « tout est possible pour moi, puisque seul importe ma puissance. Le reste, je le détruis. Dieu, la religion, la famille, etc. Faites une liste terrible, vous ajoutez « tout ce qui n'est pas moi, je peux le détruire, parce que je suis le seul qui vaille et qui importe. Moi, le seul, l'unique. » Donc il y a une tradition d'anarchisme individualiste qui se réclame de Stirner. Vous avez, alors elle est très brutale, elle est très violente. Stirner vous dit, mais on peut violer. L'inceste, pourquoi pas? On peut massacrer. Après tout, si ma force est plus forte que la force du voisin, eh bien, ma force fait la loi. Et voilà tout. Vous avez des anarchistes qui, eux, sont dans des positions totalement inverses. Et quand vous prenez des histoires de l'anarchie, on vous met d'un côté l'individualisme anarchiste, puis de l'autre côté, vous avez l'anarcho-communisme, une espèce de communisme libertaire de Bakounine, qui, lui, pour le coup, est assez d'accord avec Marx. Il se distingue juste sur les techniques et sur les méthodes. Mais ils veulent la même société, sans classe. L'homme est réconcilié, l'abolition de l'aliénation. Il n'y a plus d'un côté les intellectuels, de l'autre côté les manuels. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Mais il y a une espèce d'humanité réconciliée. Marx pense que la dictature du prolétariat est nécessaire. Bakounine dit que la dictature du prolétariat, elle se fera d'une certaine manière. C'est la bureaucratie du parti qui imposera sa dictature sur le prolétariat. Donc je ne veux pas de ça. Et puis entre deux, vous avez d'autres formules anarchistes et un anarchisme français dont on parle assez peu. Et c'est cet anarchisme-là qui m'a permis de déboucher sur cette histoire du complexe, de ce qu'on pourrait appeler le principe de Gulliver, si vous voulez. Des gens graves, par exemple des Sébastien Faure, des individus qu'on lit peu ou pas, des Proudhon, dont tout le monde connaît le nom mais que personne n'a jamais lu, ou vaguement, on sait qu'il a écrit « Qu'est-ce que la propriété ?» et qu'il aurait répondu, et il a répondu, mais il a répondu « Le vol ».« Qu'est-ce que la propriété ? C'est le vol ?» On dit « C'est un anarchiste ». C'est plus compliqué que ça. C'est effectivement une formule de l'anarchie, mais c'est une formule positive, pragmatique, concrète, mutualiste, coopérative, etc. C'est celle qui a ma faveur. Je ne suis ni stirnerien, ni bakouninien, mais plutôt proudhonien sur ce terrain-là. Et toutes les pensées libertaires du XIXe siècle montrent des micro-communautés comme ça. C'est-à-dire que vous avez, dans un journal, eh bien, on va gérer le journal de façon anarchiste. ou la solidarité ouvrière, avec l'anarcho-syndicalisme, par exemple, le principe de ce qu'on appelle la caisse noire aujourd'hui. C'était les gens qui travaillaient dur et qui avaient les cheminots, qui avaient les mains noires, qui avaient les mains sales, et qui, quand il y avait un des leurs qui était tombé de la machine ou qui était mort, faisaient circuler une caisse et mettaient de l'argent dans la caisse pour la veuve. Et ça passait de main en main, et la caisse devenait noire. C'était de la caisse noire. Et on offrait la caisse noire qui était l'expression de la solidarité, de la fraternité. Et ben ça aussi, c'est une formule de l'anarchisme, c'est une des formules de l'anarcho-syndicalisme. Et puis vous avez eu des anarchistes qui, au départ, ont considéré que, Marius Jacob, par exemple, ou Alexandre Jacob, qui ont considéré qu'il fallait reprendre l'argent, prendre l'argent là où il était, et puis le redistribuer. C'est le modèle d'Arsène Lupin. Marius Jacob. Et donc, c'est le personnage qui rentre dans un endroit où il sait qu'il y a de l'argent, qui prend l'argent et qui redistribue. Il ne s'agit pas de faire bombance avec ça. Il s'agit de redistribuer aux copains qui sont au chômage, qui ont des problèmes, etc. Et puis après, on fait ça pour son propre compte. Et ça devient la bande à Bono ou ce genre de personnage-là. Donc les interventions violentes, brutales, où il s'agit de s'enrichir sous prétexte d'idéologie anarchiste. Donc c'est une immense constellation. La pensée anarchiste. Et cette immense constellation, on en a fait une histoire et on s'est la plupart du temps arrêté à mai 68. C'est-à-dire on fait une histoire de la pensée anarchiste et puis on dit, bon voilà, il y a quelque chose qui ressemble à de l'anarchisme en mai 68, puis ça s'arrête. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui soit clairement identifiable comme un anarchiste. Il y a des lésans, des joyeux, enfin des gens comme ça, mais qui sont des vieux anards à la vieille méthode, qui sont vraiment de Louis Le Coin, qui sont des individus comme on l'était, qui étaient anarchistes comme on l'était au XIXe siècle. Et puis il y a des individus dont on peut dire, il y a un courant aux États-Unis qui s'appelle le post-anarchisme, et ça m'intéresse, et je tâche de m'inscrire dans ce courant-là. Le post-anarchisme nous dit qu'il y a de l'anarchisme chez des gens qui ne sont pas des anarchistes. Et si vous prenez ce qu'aux États-Unis on appelle la French Theory, théorie française, c'est-à-dire les Bourdieu, les Deleuze, les Derrida, les Foucault, les Guattari, etc., ces philosophes-là, qui n'étaient pas des anarchistes à proprement parler, sont des gens qui ont fourni des matériaux pour un édifice anarchiste possible. La critique de la domination masculine, la domination des femmes par les hommes, ce que Bourdieu appelle la domination masculine, c'est une proposition libertaire, c'est une proposition qu'un anarchiste pourrait faire. La critique des instances que sont l'asile, par exemple, chez Foucault, l'asile, la prison, voire l'école, qui sont des lieux de formatage, et le travail que Foucault mène sous la rubrique de ce qu'il appelle le biopouvoir, le pouvoir sur les corps, l'assujettissement et l'asservissement des corps, ça permet de nourrir une pensée anarchiste. Plus encore, des gens comme Guattari et Deleuze. On n'abordera pas l'année suivante, mais l'année d'après, si le dieu de l'université populaire me prête vie, mais on abordera le couple Deleuze-Guattari, mais via Guattari. C'est ça qui m'intéresse, parce que souvent on dit Deleuze, Mille Plateaux, Deleuze, L'Anti-Édipe. Oui, mais L'Anti-Édipe et Mille Plateaux, ce sont deux livres écrits par Deleuze et Guattari, et deux. Et quand les livres sont signés par Deleuze tout seul, c'est pas le même livre, c'est pas du tout la même chose. Donc on essaiera de voir la part de Guattari dans les deux ouvrages signés Deleuze et Guattari. Et là aussi, il y a des matériaux susceptibles de fonctionner dans une logique post-anarchiste. Notamment, quand j'ai eu l'occasion déjà d'en parler à plusieurs reprises, j'empruntais à ces philosophes-là les micro-pouvoirs, les micro-fascismes. Il y a eu pendant très longtemps cette idée que le pouvoir d'État, c'était tout le pouvoir. Les communistes fonctionnaient là-dessus. On s'emparait du pouvoir et puis on avait réglé le problème. Lisiez technique du coup d'État de Malaparte. Et puis on avait le vieux coup d'État, comme la prise du palais d'Octobre. C'était comme ça qu'on pensait les choses. Et on commence à penser, dans les années 70, que c'est pas aussi simple que ça. Que le pouvoir, il n'est pas que dans ce que Althusser appelait les appareils d'État, les appareils idéologiques d'État. Le pouvoir, il est partout. Et quand je dis qu'il est partout, effectivement, on peut imaginer, quand on est Nisan, Politzer et leurs femmes respectives, que le pouvoir, c'est l'État, et que quand on changera ce pouvoir d'État, eh bien, on obtient... Sauf que pendant ce temps-là, la répartition des tâches qui fait que les femmes font la vaisselle et les hommes refont le monde, eh bien, c'est un micro-fascisme. Qu'est-ce qu'on fait de ce micro-fascisme-là ? Une micro-résistance ? On peut très bien laisser faire, voilà, c'est la théorie de la Boétie qui fonctionne sur ce terrain-là, ce pouvoir n'existe que parce que les femmes y consentent. Il leur suffirait de dire, dites donc les mecs, on va pas, faites la vaisselle avec nous, mais on va pas la faire tout seul, ou alors faites la vaisselle tout seul, puis nous, on va aller dans le transat. Et puis, et voilà, que vous voyez d'un seul coup que les micro-résistances sont susceptibles de faire tomber les micro-fascismes. Et que c'est très concret, ça. On verra avec Simone de Beauvoir et Le deuxième sexe qu'elle termine, elle fait toujours un peu des concessions comme ça à l'époque et au temps, et qu'elle dit en gros, elle a écrit ça dans La vieillesse aussi, c'est il faut changer la vie, etc. Mais quand on aura la révolution, on ne vieillira plus de la même manière, les femmes ne seront... On sait bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on fait la révolution socialiste que le statut des femmes change, parfois même ça empire. Moi, j'ai vu en Union soviétique des femmes, j'avais honte pour le régime, pas seulement pour ça, mais de voir des femmes à cet âge-là, avec les mains qu'elles avaient, avec des marteaux-piqueurs, travaillant. On se dit, ah bon, c'est un régime socialiste, communiste, avec des vieilles dames qui travaillent encore et qui, etc., etc. Donc les micro-résistances, les micro-révolutions, ça obéit à la lecture qu'on peut faire de l'époque, parce que l'époque a changé. Parce qu'il y a eu la mondialisation, parce que les métaphores permettaient de penser cette mondialisation. Dès qu'arrive l'ordinateur, on voit bien ce qu'est le réseau. Des gens comme Deleuze et Guattari ont pensé le réseau très tôt, le réseau et le rhizome, en voyant que tout était associé, contacté, connecté, et que ce qui produisait un flux ici allait générer un flux ailleurs. Et qu'on ne savait pas toujours comment les choses se passaient, mais qu'en instillant une espèce de flux jubilatoire ou hédoniste, par exemple, ça finirait par produire des effets ici, là ou ailleurs. Donc je pense que cette pensée anarchiste qui s'est refermée sur un catéchisme et qui nous a dit « voilà, c'est ça la pensée anarchiste, et voilà, c'est, les grands philosophes anarchistes, ils sont allemands, comme par hasard. C'est Stirner, c'est Bakounine. » Et puis, quand je dis allemand, il est russe, hein, mais je veux dire, il est formé à l'école allemande parce qu'il est lecteur de Hegel, il est resté hegelien jusqu'à la fin. Et Stirner était ce qu'on appelait les jeunes hegeliens, faisait partie des jeunes hegeliens, alors que les gens graves, les Sébastien Faure, sont des gens qui ne sont pas du tout touchés par Hegel. Proudhon l'est un temps, parce qu'il voudrait bien comprendre ce qu'est la dialectique, il ne s'est pas traduit, il ne lit pas l'allemand, il rencontre Marx à Paris, passe une nuit, dit-on, ensemble à parler de Hegel, de la dialectique, et au matin, les gens qui l'ont quitté le soir retrouvent un feu de cheminée effondré et les deux hommes qui sont encore en train de parler de Hegel. Mais ça ne marche pas, Hegel, chez Proudhon. Il y a un essai, « Système des contradictions économiques », qui est un livre illisible et il a transpiré là-dessus, Proudhon. Mais on voit bien que quand on est dans une logique française, dans la pensée anarchiste, alors on a les moyens aujourd'hui de fabriquer une pensée alternative. Foucault, Deleuze, Guattari, Bourdieu, Le combat des femmes, par exemple. Bien évident que Le deuxième sexe est un grand livre libertaire. C'est un grand livre qui nous dit que les femmes ne naissent pas femmes, mais qu'elles le deviennent. Alors c'est vrai, c'est faux, on verra comment ça s'articule. Le livre de Simone de Beauvoir a produit des effets qu'elle n'imaginait pas. Elle critique elle-même le féminisme dans son ouvrage et l'oublie qu'il y a eu des féministes avant elle, alors qu'enfin, on analysera ça, mais comment peut-on être libertaire aujourd'hui sans être féministe? Le féminisme passe par ce grand livre. Et donc, si aujourd'hui on est capable de penser l'anarchisme dans ce qu'il aura été dans le XXe siècle, c'est-à-dire avec cette dimension qu'on peut appeler post-anarchiste, alors il y a vraiment un matériau concret. On peut toujours, peut-être comme le monsieur qui râlait la dernière fois, dire que je suis individualiste, petit bourgeois, et que ça ne change rien, et que pendant ce temps-là, le capital continue. Oui, mais peut-être que si lui est inscrit au Parti communiste, le capital, il continue aussi. Et que ça change encore moins, parce que lui, il attend des choses demain, alors que moi, ce que je propose, c'est tout de suite. En disant, oui, demain, d'accord, vous allez pouvoir voter si vous voulez, vous allez pouvoir vous inscrire à un parti, tout ça est très bien, très bien. C'est un grand cirque auquel il faut jouer. Mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, on peut être, quand on est dans une école, dans une classe. Moi, j'ai adoré être prof pendant 20 ans. Vous ouvrez la porte, vous fermez la porte, vous êtes devant 35 jeunes adultes. Eh bien, vous faites une communauté. C'est une micro-communauté. Comment vous allez faire ? Ben, c'est pas la peine de faire l'éloge de Rousseau, par exemple, du contrat social, de la volonté générale, et puis en même temps de se comporter comme un tyran ou comme un dictateur dans cette classe. Donc c'est fermé, c'est une micro-communauté. Et cette micro-communauté, si vous êtes libertaire, animez-la comme un libertaire. Construisez-la, pensez-la, gérez-la. Et vous verrez que si le pouvoir n'est pas de droit divin, si vous ne dites pas « je suis le prof, donc j'ai raison », maintenant le premier qui parle, c'est à la porte ou je ne sais pas quoi, mais que vous dites « on va passer des contrats, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pourrez pas faire, il y a des choses sur lesquelles je suis tolérant et des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout », etc., etc. On fabrique une règle du jeu et on fabrique une communauté libertaire. C'est pourquoi j'ai appelé mon Camus l'ordre libertaire. L'oxymore apparent, on dit libertaire, anarchiste, c'est donc le désordre, et s'il y a de l'ordre, c'est qu'il n'y a pas de liberté, s'il y a de la liberté, c'est qu'il n'y a pas d'ordre, ça n'est qu'apparent. On peut imaginer que quand il y a de l'autorité, il y a du désordre. et que c'est quand il y a de la liberté qu'il y a de l'ordre, et qu'il y a donc un ordre libertaire. Et tous les anarchistes ont joué sur cette formule-là, les anarchistes français, qui ont tous dit que ce prétendu ordre était un désordre. C'est la loi de la jungle, l'ordre qu'on nous présente comme un ordre. C'est les gros mangent les petits, les forts dominent les faibles, les femmes sont soumises, etc., aux hommes, et on sait comment ça marche, ça s'appelle l'ordre, ça. On peut imaginer que non, que c'est un désordre, et que contre ce désordre-là, un ordre libertaire rend possible autre chose. C'est-à-dire le pouvoir n'est plus, comme saint Paul nous le disait, vertical, tout pouvoir vient de Dieu, dit saint Paul, sous-entendu le premier qui s'oppose au pouvoir s'oppose à Dieu. N'oubliez pas que hiérarchie, l'étymologie de hiérarchie, c'est le pouvoir du sacré, le pouvoir du sacré, alors que vous avez la possibilité d'une logique immanente, d'une logique concrète, horizontale cette fois-ci, où vous dites, eh bien, on doit pouvoir aujourd'hui penser le socialisme libertaire, non pas sur le mode révolutionnaire classique, sûrement pas sur le mode jacobin, sur le mode nationaliste, sur le mode de la guillotine, sur ce, évidemment, bien sûr, mais sur le mode extrêmement concret de la pratique. C'est un petit peu ma passion pour la philosophie antique appliquée à la question socialiste qui me fait dire qu'effectivement, il y a eu à une époque des philosophes qui nous disaient « vivez la philosophie que vous enseignez ». Eh bien là, ce qui m'intéresse, c'est la même chose. Ce n'est pas de vivre hypothétiquement un futur en le sublimant par les mots, par le verbe, etc., en disant « moi je suis militant, je suis inscrit ici, je suis inscrit là, je distribue des journaux, je vends, etc. » Tout ça est très bien, mais c'est de dire « allez-y, faites ». Mais donc, on peut aujourd'hui défendre l'exemplarité. Moi, je me suis retrouvé un jour devant une classe avec un directeur qui m'a ouvert la porte et qui m'a dit « voilà, on présente M. Onfray, c'est lui votre prof de philo, j'espère que ça va bien se passer ». Clac, il a fermé la porte, je me suis retrouvé devant des élèves d'un seul coup. Je me dis « mais on fait comment ? On n'apprend pas la pédagogie, qu'est-ce qu'on fait ?» Je me suis dit « c'est pas compliqué, il suffit d'être ce que j'aurais aimé avoir comme professeur ». Et à ce moment-là, vous avez juste envie de rencontrer quoi ? Quelqu'un qui vous donne envie d'aimer les mathématiques, la géographie, la philosophie, le sport, enfin, ce qu'on voudra. Et à ce moment-là, vous fabriquez votre communauté pour ça. Donc vous dites, je suis payé pour ça, je suis fonctionnaire, donc il y a un programme, il y a des auteurs, mais à charge pour moi de faire de telle sorte que ce qui pourrait descendre du ciel de manière autoritaire et devenir une espèce de breuvage impossible, ça puisse monter de ce que Deleuze appelait des plans d'immanence, c'est-à-dire une horizontalité comme ça. Ça monte des plans d'immanence et ça se joue dans les plans d'immanence. Il y a des flux, il y a des circulations comme ça. Et je pense que c'est, pas dire l'avenir de l'anarchie, mais au moins le présent. Si vraiment les anarchistes ont envie de sortir du catéchisme, s'ils ont envie de sortir de l'historiographie, parce qu'eux aussi ont une historiographie dominante. Il y a une historiographie que nous déconstruisons depuis 10 ans à l'Université populaire pour faire une contre-histoire de la philosophie. Il y aurait une contre-histoire de l'anarchisme à faire aussi, vraiment. Pourquoi des gens sont mis en avant ? Pourquoi des gens ne sont jamais lus ? Pourquoi, quand certains sont mis en avant, ce que je disais tout à l'heure, Proudhon par exemple, on ne met en avant qu'un titre et que la plupart du temps on n'a même pas lu l'ouvrage en question. Pourquoi ça s'est passé comme ça dans la communauté même des anarchistes ? Je ne parle même pas au-delà. Mais pourquoi dans la communauté anarchiste, ça se passe comme ça ? Si vous écoutez Radio Libertaire, si vous lisez Le Monde Libertaire, ou si vous regardez sur Internet ce que sont les sites libertaires, c'est terrible ce que le catéchisme fait comme ravage. On a juste envie que cette pensée-là soit vivante, soit forte, soit produise des effets, et qu'on puisse dire ben, « on a besoin de ça ». On a besoin de nouvelles solidarités, on a besoin de nouvelles fraternités, et on a besoin de se dire, après le goulag, après les expériences de socialisme césarien, de voir comment ça peut marcher. Camus propose un socialisme libertaire concret, vraiment très concret. On ne théorise pas sur le prolétariat, on ne théorise pas sur l'homme avec une majuscule, on est sur des terrains éminemment concrets. Il y a de la misère en Kabylie, qu'est-ce qu'on fait ? Réponse, le devoir commun avant la guerre. Il y a un problème après la guerre, tout est détruit, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Un gouvernement planétaire, avec des élections de la totalité de la planète, la disparition de la nation, etc. Il y a la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie, qu'est-ce qu'on propose ? Une fédération, avec la possibilité, au-delà d'un schéma nationaliste et jacobin, où chacun dirait on veut notre État, on veut notre nation, on veut notre drapeau, on veut notre hymne, on veut notre police, on veut... Mais Camus, il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie d'État, il n'a pas envie de police, il n'a pas envie de drapeau. Pourquoi est-ce qu'il aurait envie d'un nouvel État, d'une nouvelle police, d'un nouveau drapeau ? Il a juste envie d'une formule nouvelle qui soit la confédération. Si on pense par exemple à ce qu'est aujourd'hui le problème israélo-palestinien, si on pense en termes jacobins, hérités de la Révolution française, il nous faut deux États. Si on le pense dans une tradition qui n'est pas jacobine, qui n'est pas nationaliste, mais qui est girondine et qui est plutôt confédérale, on peut imaginer que ces deux instances trouvent une formule qui soit confédérale, dans laquelle il n'y aurait pas d'État. Et Camus est praticable en ce sens. Il l'était pour l'Algérie. Il l'était. Simplement, Sartre était sur le vieux schéma robespierriste, sur le vieux schéma jacobin, sur le vieux schéma centraliste, et c'était la lecture que Lénine faisait de la Révolution française, avec Robespierre comme une espèce de vérité, etc., qui fait que si on dit girondin, on dit ben, c'est des gens qui... c'est la droite. Ce sont des monarchistes, ce sont des catholiques. Enfin bon, voilà, on évite de penser cette question-là. Mais il y a dans le girondisme matière à penser la généalogie de la philosophie libertaire. Il y a chez des Varlet, des Jacques-Roux, des Dolivier, ceux qu'on a appelés les enragés, il y a chez les sans-culottes, qui ne sont pas forcément des personnages identifiables, mais ce sont des gens sur lesquels on peut savoir un certain nombre de choses, même si il existe des choses sur les sans-culottes qui étaient écrites jadis, ça faisait autorité par un communiste, donc évidemment il avait sa lecture particulière, toujours une lecture marxiste-léniniste. Il faut aller chercher les racines de cette sensibilité-là. Alors certains disent Rabelais, l'abbaye de Thélème, pour la France uniquement. Si on veut, pour l'Europe, on peut démarrer avec Diogène. Souvent, on parle de Diogène et des cyniques comme des premiers anarchistes. Bon, mais Thélème, mais la Boétie. Je pense que la grande tradition de la philosophie libertaire française, c'est la Boétie. Elle est initiée chez la Boétie. Alors évidemment, ça n'a pas de sens de dire libertaire anarchiste au XVIe siècle. Ça n'a pas de sens. Mais quelqu'un qui fait à ce point l'analyse du pouvoir, qui nous explique qu'il n'y a de pouvoir que parce qu'on y consent, et que si on ne consent plus au pouvoir, il n'y a plus de pouvoir, c'est un mode d'emploi terrible, si on a compris ça. Donc ce que je propose n'est jamais que le fruit d'un glanage qui va de la Boétie à Guattari, de Los Guattari, en passant par tel ou tel, les grandes figures du XIXe siècle, Proudhon, Jean Grave, Sébastien Faure, etc., ou Zodaxa, des gens un peu moins connus, ou Armand, tous ces individus qu'il faut lire pour voir qu'effectivement, il y a des solutions alternatives concrètes. Pas idéologiques, pas théoriques, pas théorétiques, pas violentes, pas brutales, bien sûr, sûrement pas... on ne fait pas couler le sang dans cette aventure quand on propose des mutualisations, des coopérations, quand on propose des confédérations. C'est le contraire de ce qui met les gens les uns contre les autres, de ce qui renvoie les peuples les uns contre les autres, parce qu'on veut deux États, deux armées, donc c'est la plupart du temps la généalogie de la guerre. Donc la pensée anarchiste, on verra ça avec Camus, mais à mon avis, elle n'a pas donné tout ce qu'elle aurait pu donner, simplement parce que dans la vie, si vous êtes animé par la pulsion de mort, vous aurez le dessus sur ceux qui sont animés par la pulsion de vie. C'est toujours le plus brutal, le plus violent, le plus agressif qui va faire la peau de celui qui ne le sera pas. Donc c'est pourquoi il faut aussi organiser des résistances à cette brutalité-là. Quand Camus parle du socialisme des barbelés, eh ben, il a raison. Il y a eu un socialisme des barbelés, donc avec des miradors, avec des gens qui sont armés, avec des gens qui tuent. Je relisais, là, pour une morale de l'ambiguïté de Simone de Beauvoir pour préparer les séances qui viendront après Camus. C'est tellement terrible que je crois ne pas comprendre ce que je lis. Je me dis, mais c'est pas ce qu'il faut lire, c'est pas possible. J'avais lu ça il y a longtemps, j'ai mis des petites marques. Et elle dit très précisément qu'il faut aujourd'hui, enfin à l'époque, 47, qu'il faut abattre des gens pour réaliser la liberté. Elle dit, si j'augmente la liberté des autres, enfin, je crée ma propre liberté, et quand il s'agit de liberté, tout est possible, tout est pensable. Donc si on tue une poignée de personnes, si on supprime, elle utilise des mots comme ça, eh ben, c'est moral. Il s'agit d'envisager la question de la morale de l'existentialisme. Sartre écrit en 43 Lettres et le néant, il dit, bon, je ferai une morale un jour, il ne la fait pas, on la lui reproche. Et en 47, elle propose une morale, de l'ambiguïté pour le coup, où elle dit, mais ça renvoie, elle ne le cite pas, mais au texte de Trotsky, leur morale est la nôtre, où elle renvoie très précisément à la possibilité de détruire physiquement les gens, sous prétexte d'augmenter la liberté. Donc, effectivement, il y a une pensée du socialisme césarien, il y a une pensée du socialisme des barbelés, c'est cette pensée-là qui a fait la loi. Elle n'a pas fait la loi chez Nizan, elle n'a pas fait la loi chez Politzer, mais elle a fait la loi chez les Jacques Duclos, les Thorez, enfin tous ces gens qui ont fabriqué la mécanique du Parti communiste à son sommet. Et je pense que nombre des militants avaient une foi terrible, cette fameuse mystique bolchévique, et que cette mystique bolchévique, eh bien, elle a existé à défaut que ces gens, à défaut de connaître ce que furent les pensées socialistes libertaires. Parce qu'il n'y a pas de bibliographie, parce qu'il n'y a pas de belle figure emblématique, et puis parce que c'est une des hypothèses aussi que donne Camus dans L'Homme révolté, parce qu'il y a eu la Commune, et que la Commune, comme vous le savez, a été très proudhonienne, qu'elle a été souvent faite par des anarchistes ou des libertaires, et qu'elle a été noyée dans le sang, et qu'on a tué des milliers d'anarchistes, qu'on en a déportés, qu'on en a exilés, qu'on en a envoyés en Nouvelle-Calédonie, etc., et que donc on a saigné le capital anarchiste français, que la Commune a été l'occasion pour les Versaillais de saigner la pensée anarchiste française qui ne s'en est jamais remise, parce que Marx est arrivé par derrière en disant « moi je rafle la mise ». Marx a toujours détesté la Commune en expliquant que puisqu'elle n'avait pas été marxiste, je vais vite, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, puisque la Commune n'a pas été marxiste, elle est négligeable. Et après, il y a toute une écriture de l'histoire où il fait une espèce d'OPA sur l'esprit révolutionnaire du XIXe siècle, et c'en est fini des anarchistes. Alors il leur reste deux, trois bombes à poser, Ravachol ou ce genre de choses, et puis après, rien. La pensée libertaire, elle en prend un coup. Après ça, Marx obtient à la Première Internationale le leadership sur l'Europe, Bakounine, il disparaît. Et quand Camus défend des positions anarchistes avec le devoir commune dès le Misère dans la Kabylie, en nous expliquant qu'il faut un communalisme et que le communalisme libertaire, ça marche, c'est totalement oublié. Et quand il propose cette confédération à la fin d'Actuel 3, Sartre ne veut évidemment pas lire ça, ne veut pas entendre ça, ne veut pas entendre parler de l'existence d'un socialisme libertaire. Dans L'Homme révolté, il y a l'éloge d'un socialisme libertaire, d'un socialisme non autoritaire. Il dit qu'il y a le socialisme des camps, qui est un socialisme césarien, le socialisme des barbelés. Il dit qu'on peut faire un socialisme de la liberté, un socialisme libertaire. C'est une proposition qui existe du début jusqu'à la fin dans l'œuvre de Camus. C'est une proposition dont je dis qu'elle peut encore exister aujourd'hui. On peut aujourd'hui, dans la configuration qui est la nôtre, dire qu'on n'a pas essayé ces formules qui sont des formules anti-autoritaires, des formules libertaires, des formules mutualistes, contractuelles, des formules où on n'attend pas que le progrès ou le bonheur ou la solidarité ou la fraternité nous tombent du ciel, parce que des gens auraient décidé de donner, de ne pas donner, de dire on va voir peut-être, mais simplement de dire nous on l'organise à la base. On organise la solidarité et la fraternité à la base. On la construit et on la fabrique partout. J'appelle des micro-sociétés libertaires, dans sa famille, dans son couple, avec ses amis, dans ses relations, au travail, et puis parfois dans des agencements professionnels. Les paysans aujourd'hui, ou les pêcheurs, devraient pratiquer la coopérative, la mutualisation. Pourquoi est-ce que vous allez payer toute votre vie un bateau, une moissonneuse-batteuse, où vous allez vous mettre des crédits sur le dos comme c'est pas possible, alors que vous pourriez, à 3 ou 4, en acheter un, le partager, etc. Enfin, bon, ce sont des formules qui n'ont jamais été utilisées, pour une raison bien simple. C'est que la formule qui a gagné en 1789, enfin qui a gagné quand on se trouve au directoire, si vous voulez, quand on se trouve à Thermidor, disons-le plutôt, la formule qui gagne à Thermidor, c'est le centralisme jacobin. Et si la Révolution française avait été girondine, si elle avait été libertaire, on n'aurait pas du tout, évidemment, enfin on ne va pas réécrire l'histoire, mais on n'aurait pas du tout considéré les Varlet, les Jacques-Roux, les Dolivier, des gens dont on ne connaît même pas le nom, les curés rouges, les prêtres ou les enragés, tous ces gens-là, ou les sans-culottes. Il y a un programme économique des sans-culottes qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Si on prenait le programme économique des sans-culottes à l'époque, en 93, et aujourd'hui, mais il est d'actualité. Sur les spéculations, sur les taxations, sur la question des produits, des biens, des accès, sur ce qu'ils appellent l'égalité des jouissances. Le programme politique des sans-culottes, l'égalité des jouissances. Simplement, on ne connaît pas les sans-culottes. Quand on s'occupe un peu de Révolution française, Girondins, Montagnards, Robespierre, Saint-Just, on connaît tout ça. Les sans-culottes, on voit vaguement des gens habillés avec un bonnet phrygien et puis avec des piques et des choses comme ça. Bon, c'est un peu folklorique, mais il y a un projet politique, il y a un projet économique, il y a un projet de solidarité, il y a un projet de fraternité. Simplement, il a été mis de côté parce qu'il a perdu et que mort aux faibles et que les vainqueurs écrivent l'histoire. Il y a donc ça chez Camus, la potentialité d'un socialisme libertaire Et je trouve que si on veut se sortir du nihilisme politique dans lequel on se trouve, il y a quelque chose à aller chercher du côté du post-anarchisme. Voilà. Camus a dit « Le monde est beau, hors de lui, point de salut ». Est-ce qu'on ne doit pas résumer, en fin de compte, toute la philosophie de Camus ? Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi « Ma femme est belle, hors d'elle, point de bonheur ». Bah, présentez-nous votre femme, quand même, qu'on puisse juger de la pertinence de votre deuxième assertion. Si c'est la dame qui est à côté de vous, vous avez raison. La première assertion, elle me fait un peu honte parce qu'effectivement, j'aurais pu me taire pendant une heure et me contenter de donner cette phrase parce qu'effectivement, elle est juste, elle est synthétique et elle nous dit tout ça. Elle nous le dit avec les précautions d'usage. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se contenter du monde, sauf qu'on ne peut pas forcément se contenter de tout du monde. C'est ça l'intérêt. La sagesse de Nietzsche est une sagesse terrible. Moi, j'ai médité Nietzsche depuis, quand je dis médité, c'est-à-dire lu, relu, repris, etc., pendant des années et des années. J'ai lu ça, j'avais 15-16 ans, je le lis toujours, jusqu'à ce que je comprenne un jour ce qu'était le surhomme. C'est un peu caché, c'est un peu scellé, tout ça, dans la pensée de Nietzsche. Il nous le dit, d'ailleurs, hein, le sous-titre de Zarathoustra, qui est quand même le grand livre du surhomme et du surhumain, il est sous-titré « Un livre pour tous et pour personne ». Donc, il y a un moment où, de fait, on découvre ce qu'est le surhumain chez Nietzsche. Et on a du mal à souscrire à ça. Alors, on peut croire à l'éternité par les astres. C'est le titre d'un livre de Blanqui, le philosophe politique de l'insurrection du XIXe siècle, qui a passé plus d'une trentaine d'années en prison, notamment au Mont-Saint-Michel, et qui donc ne voyait que ce qu'il voyait par sa fenêtre, et qui a écrit sur les astres un texte qui raconte qu'il y a une éternité par les astres. Alors, c'est quelque chose qu'on défend à cette époque-là. On pense effectivement que le monde comme il est a déjà existé, qu'il existera encore et sous la même forme, et que nous sommes donc d'une certaine manière immortels. Blanqui le dit, Nietzsche le pense, et il essaie à l'époque de le fonder scientifiquement, Nietzsche. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'il lit à cette époque-là, il lit beaucoup de scientifiques, beaucoup de physiciens, en essayant de comprendre si on peut trouver des scientifiques qui permettraient de dire, eh bien voilà, oui, l'éternel retour, qui est une intuition d'Héraclite, enfin qui est une pensée d'Héraclite. Je dis intuition parce qu'il ne nous reste que des fragments, donc on ne connaît pas vraiment le détail, mais il y a ça chez Héraclite, il y a ça chez certains philosophes présocratiques, il y a ça évidemment dans tout l'hindouisme. Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une pensée ? Est-ce que c'est une intuition ? Ou est-ce que c'est une vérité scientifique ? Nietzsche aurait bien aimé que ça puisse être une vérité scientifique. On a tous ressenti cette expérience-là, vous savez, des expériences où on a l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose. On se dit, mais j'ai déjà vécu ça. Enfin, ce que je fais tout de suite, là, les personnes avec qui je suis, ce que je suis en train de dire, ce que je mange, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Donc c'est une sensation qui a été analysée par un philosophe italien avec un certain nombre d'hypothèses. Alors certains disaient, la preuve, c'est la théorie un peu platonicienne de la métempsychose ou de la métensomatose. Nous avons déjà existé, notre âme a quitté notre corps, elle a retrouvé un autre corps. L'âme conserve une mémoire, parfois, de temps en temps, de vie que nous aurions vécue antérieurement ou précédemment. Donc c'est bien la preuve de ça. L'une des hypothèses les plus matérialistes, les plus rationalistes aujourd'hui, consiste à dire qu'il y a des espèces de micro-coupures électriques dans les flux électriques du cerveau, et que vous avez l'information qui vous est donnée, une espèce de micro-coupure, puis l'information reprend, et vous avez une espèce de léger décalage, et vous pensez avoir déjà vécu quelque chose que des microsecondes avant vous venez d'avoir vécu. Ce que vous prenez pour une expérience très ancienne qui se répéterait, ou ancienne qui se répéterait, en fait, c'est simplement une espèce de décalage, de micro-décalage d'un flux nerveux. Mais d'aucuns ont eu la sensation, l'émotion d'avoir déjà vécu ça, et se disent, de temps en temps, il y a des petites voies d'accès comme ça, à des certitudes plutôt religieuses, nous aurions donc déjà vécu et nous revivrons éternellement. Et puis Nietzsche n'y parvient pas à fonder ça scientifiquement. Il n'a pas les lectures qu'il fait. Il a même envie de venir en France faire des études de sciences un petit peu avec Lou Salomé. Il voudrait retravailler sur ces questions-là. Et il abandonne parce que probablement il se dit que ce qu'il a lu sur le moment n'est pas convaincant, que rien scientifiquement ne permettrait de fonder une intuition qu'il a eue, lui, sur le mode, pour le coup, très, très physiologique, très biologique. L'intuition de l'éternel retour, il l'a autour de Silva Plana, à Sils Maria, autour d'un lac. Et ça lui tombe dessus comme ça, et il a une espèce de vision. Il a deux visions, une vision qu'il aura pour l'éternel retour à Sils-Maria, et puis une autre vision qui sera celle du surhomme à Portofino. Et il sent bien que quelque chose l'a terrassé physiquement. Il était très intuitif en ce sens. Nietzsche lui est arrivé d'avoir des choses comme ça qui était une espèce de sismographe, hein, Nietzsche. Donc il aimerait pouvoir scientifiquement prouver que ce qu'il a vécu, ça peut être découvert pour tout le monde et ça peut être proposé à tout le monde comme une vérité scientifique. Et n'y parvenant pas, c'est l'hypothèse que j'avais défendue dans mon cours sur Nietzsche, il choisit la forme poétique. Puisqu'il ne peut pas le dire avec la science, il le dira avec le poème. Il le dira avec « Ainsi parlait Zarathoustra ». Et les cadences, le principe du leitmotiv, c'est avec une cellule musicale qui se retrouve et qui signifie quelque chose dans l'opéra de Wagner. C'est Wagner qui invente le leitmotiv. Et vous avez le leitmotiv de l'épée, de Sigmund, de Siegfried, de Brunhilde, etc. Enfin, à chaque fois, de la forge. Dès que toute l'histoire des Nibelungen sont racontées avec des personnages, des situations, et le dragon, etc. Donc, Wagner invente l'association d'une figure, d'un personnage, d'une situation et d'un leitmotiv. Et il joue avec les leitmotifs. Magnifique, la tétralogie. Et Nietzsche reprend ça, parce qu'il y a de l'éternel retour dans la répétition du leitmotiv. Eh bien, il fait ça quand il conclut presque tous ses chants en disant « Ainsi par les Zarathoustra », ce qui est le titre du livre. Il est dans cette espèce d'éternel retour sans cesse. Donc il est fasciné par ça, l'éternel retour. Mais si vraiment on entre là-dedans, et ce que font par exemple les hindouistes, hein, quand vous allez en Inde, vous avez des gens qui sont nietzschéens sur cette perspective-là. Ils savent bien, enfin ils pensent qu'ils ont déjà vécu, qu'ils revivront, et qu'on peut... Alors en revanche, ils pensent que le mode de vie que vous avez est un mode de vie qui peut influencer vos réincarnations. C'est une erreur que Deleuze commet, parce qu'il a lu, il a travaillé sur Nietzsche à partir de la volonté de puissance, et que c'est un texte fautif, donc évidemment il y a des textes contradictoires. Chez Nietzsche, quand on travaille sur la volonté de puissance et sur les fragments, mais si on laisse de côté ces textes-là qui ne sont pas des textes avérés, puisque Nietzsche ne les a pas signés, contresignés, publiés, édités, et qu'on se contente de ce que Nietzsche a écrit sur ce sujet-là, il a assez écrit pour qu'on puisse penser, on ne peut pas dire ce que dit Deleuze. Deleuze, c'est une espèce de nietzschéo-gauchisme de 68. Il nous dit les choses se répètent éternellement, mais vous pouvez influencer la répétition de manière positive, ce que vous voudrez de manière extrêmement intensive se reproduira en priorité à ce que vous n'aurez pas voulu de manière intensive. Ce qui veut dire qu'il faut vivre chaque instant comme si vous vouliez voir cet instant se répéter sans cesse. Donc évidemment, c'est très philosophie du désir, philosophie de mai 68, jouir sans entrave, etc. Deleuze dit ça. Il nous dit on peut intervenir sur l'éternel retour et influer le cours de l'éternel retour pour que notre vie soit plutôt ceci que cela. Nietzsche ne dit pas ça du tout. Il ne dit pas ça du tout. Il nous dit dans Gai Savoir et dans le Ainsi par les Zarathoustra que nous vivrons ce que nous avons vécu exactement de la même manière. Il dit cette araignée qui descend sur ce fil, ce chien qui aboie, etc., cette matinée qui... Nous l'avons déjà vécu, nous la revivrons de la même manière. Moi, je ne comprenais pas ça quand j'avais 15 ans. Je me disais, ouais, c'est métaphorique, c'est-à-dire les hommes reviendront, il y aura toujours des chiens, il y aura toujours des aubes, il y aura toujours des crépuscules, il y aura toujours de... Pas du tout. C'est ce chien, dit le texte, c'est ce chien qui aboiera à nouveau dans cette configuration-là. Donc on n'est pas obligé de souscrire à ça. Mais c'est une pensée terrible, parce que ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Il vous suffit d'être, de toute façon. Si vous dites non, je vais faire la preuve que je choisis, eh bien, on vous dira non, c'était déjà écrit. Schopenhauer avait déjà pensé cette question-là dans un petit livre qui s'appelle « Essai sur le libre arbitre ». Il appelait ça « La théorie des motifs ». Et c'est un livre extrêmement intéressant que Nietzsche, évidemment, a lu. Schopenhauer, il dit, voilà, on a envie de faire plein de trucs, je veux prendre la bouteille, pas la prendre, boire, pas boire. Il y a plein de motifs qui sont présents comme ça dans ma tête. Puis il y a un motif qui va être supérieur à un autre motif. Et c'est ce motif-là qui va me faire faire quelque chose. Donc je vais avoir soif, je vais prendre la bouteille et je vais la boire. À ce moment-là, je dirais, mais c'est ma conscience. J'ai décidé, j'ai voulu, j'ai choisi, etc. Schopenhauer dit, pas du tout. Vous êtes voulu par le vouloir. Vous n'avez pas la possibilité de vouloir le vouloir. C'est le vouloir qui vous veut, ce n'est pas vous qui voulez le vouloir. C'est-à-dire que quand vous croyez avoir choisi de boire, ce sont des motifs qui ont fait que vous imaginez que vous allez choisir. Vous vous illusionnez, dit Schopenhauer. Et si vous voulez, en plus de ça, jouer en disant « Oh, mais la preuve, je vais faire la preuve que c'est moi qui choisis », eh bien, je ne vais pas boire alors que j'avais envie de boire. Schopenhauer dit « Ben, c'était déjà un motif prévu ». faut pas croire. C'est-à-dire que vous aurez toujours votre dos derrière vous, même si vous vous retournez. Donc c'est la même chose avec le motif. Si vous croyez que vous choisissez les motifs, vous vous trompez. Les motifs vous choisissent. Vous n'avez pas le choix. Pensez brahmanique, pensez hindouiste, pensez oriental, acclimaté par Schopenhauer. C'est Schopenhauer qui fait vraiment rentrer le bouddhisme en Europe et dans la philosophie. Et évidemment, Nietzsche est un lecteur de Schopenhauer, comme vous le savez. Donc si on entre de manière intégriste dans cette pensée-là, alors on ne doit rien faire d'autre qu'aimer ce qui advient. Évidemment, c'est une sagesse terrible, mais quand vous souffrez tout le temps et que vous tâchez de vous soigner, que ça ne marche pas, etc., il y a juste un moment où vous dites la solution, c'est peut-être d'aimer ce qui m'arrive, amor fati. Donc effectivement, quand Camus écrit la phrase que vous citez, il est dans cette période où il souscrit à cette ontologie de Nietzsche, c'est-à-dire tout se répète sans cesse, l'éternel retour est la vérité du monde. Il n'y a de salut dans mon existence personnelle que dans l'adhésion à ce qui est. Évidemment, si adhérer à ce qui est, c'est adhérer à Tipaza, la mer, les filles, la plage, la pêche qu'on croque, la menthe qu'on boit, le soleil, la lumière, la natation, le foot avec les copains, etc., etc. S'il s'agit de n'adhérer qu'à ça parce que la vie c'est ça, c'est facile. Mais bien sûr qu'on a envie que ça se répète sans cesse. Quand vous êtes jeune, beau, que les filles sont belles et que vous êtes sur la plage et que, etc., ça sent le poisson grillé et que vous avez vos amis qui vous attendent, et que, etc., etc., évidemment qu'on a envie que ça se répète sans cesse. Simplement, le Camus qui écrit ça, il écrit ça dans une période qui est celle d'avant la guerre. Après la guerre, il ne le dira plus jamais ça. Il ne le dira plus dans ces termes-là. Ça deviendra l'homme révolté, Camus, à ce moment-là. C'est-à-dire, l'homme révolté, c'est celui qui dit non. Il le dit sans cesse. Il dit l'homme révolté, c'est l'homme qui dit non. Nietzsche, c'est l'homme qui dit oui. Le grand oui à la vie chez Nietzsche, c'est ce qui fait le fond même du nietzschéisme. Le surhomme, c'est celui qui dit un grand oui à tout, y compris à ce qui pourrait choquer. Et Camus dit, ben non. Disons oui à ce qui dit oui à la vie, et disons non à ce qui dit non à la vie. C'est ce que dit Camus, en nietzschéen, ceci dit, hein, après les fascismes, après la guerre, après la libération, après la découverte des camps, etc. Mais on ne peut pas souscrire à ça. D'autant que, je suis peut-être passé un peu vite là-dessus, mais d'autant qu'il voit encore le nietzschéisme continuer dans le marxisme-léninisme, c'est-à-dire que quand il écrit, quand il pense l'homme révolté, il a en vue, évidemment, ce que le nietzschéisme aurait produit selon lui dans les pays de l'Est. Il y a eu des camps de concentration nationaux-socialistes, et on découvre qu'il y a des camps de concentration marxistes-léninistes. Vous dites, mais comment est-ce possible? Margaret Buber-Neumann, elle a connu les deux. Et quand elle dit, voilà, moi je peux vous raconter comment c'était dans le goulag et comment c'était dans les camps de concentration nazis. Et ça paraît en France, ça. Et on fait quoi quand on est philosophe? David Rousset, qui écrit un magnifique livre qui s'appelle « Les jours de notre mort », un des très grands livres comme Anthelme ou comme Primo Levi. David Rousset dit, pas possible, c'est pas possible qu'on souscrive à ça. Nous qui avons connu les camps de concentration nationaux socialistes, nous qui sommes de gauche, nous ne pouvons pas consentir aux camps de concentration dans les pays de l'Est. Et Camus dit, ben bien sûr, d'accord, évidemment qu'on ne doit pas y souscrire. Eh ben, pas Sartre, pas Beauvoir, pas Merleau-Ponty, qui eux disent, ben oui, d'accord, peut-être, probablement, mais c'est le sens de l'histoire. On s'en va vers... Il y a des camps pour abolir les camps. Il y a des prisons pour abolir les prisons. On tue des gens pour abolir le fait qu'on tuera des gens. On exploite des gens pour empêcher un jour l'exploitation définitive des gens, etc. C'est la dialectique hegelienne, etc. Et Camus nous dit, eh ben voilà, le nietzschéisme, c'est pas mort. Si on dit oui à tout ce qui est, et si on dit oui à tout ce qui est en justifiant ça, en disant, mais c'est l'histoire qui fait la loi. Le vouloir chez Schopenhauer, le vouloir vivre chez Nietzsche, et chez les marxistes-léninistes, c'est l'histoire. Vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire. Si vous dites non au goulag, c'est que vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire, disent les Sartres, les Sartriens, le temps moderne, etc. Et Camus dit, mais ça, c'est pas possible. À ça aussi, il faut dire non. On ne peut pas dire oui à ça. À ça, il faut dire non. Il faut se révolter. Alors quand on a dit, ah ouais, la révolte, c'est le contraire de la révolution, évidemment. L'homme révolté, c'est le petit bourgeois qui n'est jamais content. C'est pas du tout ça. C'est la caricature que Sartre et les Sartriens en font, ça. C'est la révolte vue par des révolutionnaires professionnels qui sont des pourvoyeurs de guillotine. Mais la révolte chez Camus, c'est ça. C'est savoir dire non à ce qui dit non à la vie. Et le goulag dit non à la vie. Et la prison marxiste-léniniste, elle dit non à la vie. Et le commissaire politique, il dit non à la vie, etc., etc. Et tout ce qui dit non à la vie, il faut lui dire non. Et c'est le sens de la rupture de Sartre, de Camus et de Sartre. C'est le sens de la rupture avec le nietzschéisme d'origine, un nietzschéisme que je dirais méditerranéen. Il nous dit que le nietzschéisme européen n'est pas possible. On reste nietzschéen parce qu'effectivement, nihilisme, décadence, fin de la morale chrétienne, nécessité de nouvelles valeurs, etc., tout ça, ça reste d'actualité. Voilà pourquoi il est nietzschéen. Et il est de gauche parce qu'il nous dit qu'un homme de gauche ne peut pas défendre ça. On ne peut pas défendre les camps, le goulag, ce qu'il appelle le socialisme des barbelés. Donc, quand vous utilisez cette phrase, elle est datée. C'est la phrase d'un jeune homme qui souscrit à une béatitude qu'il expérimente comme un jeune homme sur les plages de Tipaza ou sur les plages d'Alger ou sur les plages de la Méditerranée. Mais par la suite, ce nietzschéisme-là n'est plus possible. Il est obligé de se débattre pour sortir de cette cosmologie, cette façon de dire « il y a un éternel retour ». Non, ce n'est pas possible. L'éternel retour n'est pas une évidence. Et Deleuze s'en sort comme ça, lui aussi, en disant « l'éternel retour n'est pas une évidence, la preuve, on peut infléchir le cours de l'éternel retour, il nous suffit de vouloir ». Et quand on veut, ça veut dire que finalement, Deleuze y réintègre du libre arbitre dans une philosophie où on n'a pas du tout. Deleuze, il fait dire à Nietzsche qu'on a la possibilité de choisir. Eh non, que Deleuze le pense, il le peut. Mais que Deleuze dise que Nietzsche le pense, il a tort. Nietzsche n'a jamais dit ça. Le jeu est une fiction pour Nietzsche, pour le dernier Nietzsche. Le libre arbitre est une fiction. Nous ne choisissons jamais. Nous sommes choisis, nous sommes voulus, quoi que nous fassions. Ce que nous faisons, et même quand on dit « tiens, j'avais prévu de faire ça, je vais faire le contraire pour montrer que je suis libre », eh bien, Schopenhauer dirait « c'était déjà prévu aussi ça ». Et quoi que vous fassiez, de toute façon, tout était déjà prévu. Donc ce sont deux grandes métaphysiques, hein, une métaphysique de la nécessité et une métaphysique de la liberté. Métaphysique de la nécessité, par exemple le feu chez les stoïciens, le conatus chez Spinoza, le vouloir chez Schopenhauer, le vouloir vivre chez la volonté de puissance pardon, chez Nietzsche, l'inconscient chez Freud, qui est un déterminisme total aussi. Et puis de l'autre côté, les tenants du libre arbitre, ceux qui vous disent ben non, vous êtes libre, vous avez le choix. Et les chrétiens, le christianisme défend la théorie du libre arbitre. Votre destin est entre vos mains, votre histoire n'est pas écrite. Ce qui va vous arrivera en fonction de ce que vous aurez vécu. Si vous avez vécu une vie charitable, aimante, chrétienne, etc., alors vous aurez le salut, le paradis. Si ça n'est pas le cas, vous aurez l'enfer. Donc votre destin, c'est vous qui l'écrivez. Et puis, il y a dans le christianisme une pensée aussi qui est une pensée du déterminisme, c'est la théorie de la grâce, c'est la question de l'augustinisme. J'en ai dit deux mots parce que j'ai parlé de la chute. Mais vous avez, avec des tenants de la théorie de la grâce, des gens qui sont problématiques pour l'Église. Si, la théorie de la grâce, elle est très simple. Dieu a décidé pour vous, et ce n'est pas vous qui déciderez pour vous. Pour qui vous prenez-vous ? Vous avez l'impression qu'en ayant une vie particulière, vous obtiendrez ou vous n'obtiendrez pas votre paradis ? Vous trompez. C'est Dieu qui décide qu'il vous donnera ou qu'il ne vous donnera pas le paradis, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que Dieu peut décider de sauver, puisque la puissance de Dieu est totale et que la puissance de l'homme n'est pas totale, Dieu peut décider de sauver Adolf Hitler, s'il le veut, pour aller vite et pour trouver un personnage négatif, emblématique. Il peut décider de sauver Adolf Hitler et puis il peut décider de condamner Général de Gaulle, puisqu'on est dans les... voilà quoi. Simplement parce que c'est Dieu qui fait la loi, c'est pas l'homme. La grâce, c'est ça. C'est Dieu qui a décidé qu'il vous sauverait ou qu'il ne vous sauverait pas. Alors vous pensez bien que là, pour le coup, c'est la négation du libre-arbitre et que toute la question du jansénisme, elle est là. Quoi. La question de Pascal, le jansénisme, l'augustinisme. Est-ce qu'on est prédéterminé ? Est-ce que la grâce, ça existe ? Ou est-ce qu'on est libre ? Évidemment, c'est un vrai débat aujourd'hui. Alors c'est souvent une question de cours. Je disais souvent à mes élèves, c'est pas peut-être bien cuit, peut-être bien que non, une dissertation. Hein. C'est pas oui, non, mais, et puis peut-être bien cuit, peut-être bien que non. On peut imaginer que les deux ont tort. Et que la vérité n'est ni dans un déterminisme intégral, du genre « quoi que je fasse, c'est déjà écrit, de toute façon, c'est écrit dans le grand livre du monde », dit Diderot, je crois que c'est dans Jacques le Fataliste. Et puis ceux qui pensent que rien n'est écrit et que tout est à écrire. Non, je pense que nous sommes inégaux, que certains sont plus libres que d'autres, et qu'il y a des déterminismes qui sont plus pesants que d'autres, et qu'il y a effectivement des enfants qui naissent aujourd'hui dans des familles terribles, ravagées par la maladie, l'alcool, par la crise de leur pays. Enfin, si vous naissez aujourd'hui dans les pays de l'Afrique, de la corne est de l'Afrique, où il y a actuellement des famines et des enfants qui meurent toutes les trois minutes, il est bien évident que votre libre arbitre n'est pas le même que si vous arrivez dans une maison où vous avez chauffage, électricité, les parents, l'amour, la culture, etc. etc. Donc la liberté n'est pas une chose qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas, c'est quelque chose qu'on acquiert. C'est pourquoi Nietzsche dit aussi à un moment donné « secret et liberté ». c'est une expression qu'il utilise, il faut se créer liberté. Nous ne sommes pas libres. Nous devenons libres si nous nous créons liberté. On verra ça avec l'existentialisme, là, parce que quand j'aborderai Beauvoir, on verra ce que Sartre dit dans L'être et le néant et dans L'existentialisme est un humanisme. Et Beauvoir, après, le deuxième sexe, c'est un exercice pratique d'existentialisme. Elle fait, sur la question de la femme et du féminin, ce que Sartre fait à partir de l'existentialisme en disant « nous sommes libres ». Du genre, cette fameuse phrase « on ne naît pas femme, on le devient », c'est une façon de dire, effectivement, que nous avons le choix. Et que c'est nous qui choisissons. On le devient parce qu'on l'aura choisi, voulu, décidé, etc. Il n'y a pas de déterminisme, y compris le déterminisme physiologique. Peu importe que vous naissiez avec une petite quéquette ou des ovaires, ça n'a rien à voir. C'est pas important. C'est par la suite que, quand Sartre dit, j'ai souvent utilisé cette expression, mais quand Sartre dit, nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu, nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Enfin, les autres veulent faire quelque chose de vous. Nous, on fait quelque chose de ce que les autres veulent faire de nous. Et quand on aura fait quelque chose de ce que les autres auront voulu faire de nous, alors on se sera constitué soi-même. Donc chez Sartre et chez Beauvoir, il y a une philosophie de la liberté qui est sidérante. C'est d'ailleurs la philosophie des libéraux. Dans le genre, si vous êtes riche, bah, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait, quoi. Si vous êtes pauvre, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait aussi, quoi. C'est assez sidérant que cette philosophie-là puisse être présentée comme la philosophie de gens de gauche. Ils deviendront de gauche après par opportunisme. Mais c'est l'époque où effectivement, ils défendent ontologiquement une philosophie de la liberté radicale. Ça donne, pour aller vite, dans la traversée de Paris, la phrase de Gabin, « salaud de pauvre ». C'est un existentialiste, hein, Gabin, quand il dit ça. « Salaud de pauvre ». En gros, si vous êtes pauvre, c'est que vous l'avez bien voulu, quoi. Et si vous voulez être riche, vous n'avez qu'à le vouloir. Sur le papier, c'est très bien. Ça marche très bien. Dans l'existentialisme est un humanisme, mais dans la vie, c'est plus compliqué que ça. Il y a des déterminismes sociologiques, il y a des déterminismes économiques, il y a des déterminismes, etc. etc. Donc, cette phrase de Camus, il faut vraiment la penser dans une époque où c'était encore facile et faisable et pensable d'imaginer que le monde est beau et qu'on doit pouvoir y souscrire totalement, absolument. C'est la phrase d'un jeune homme, par évident. Et quand on est un peu moins jeune homme, qu'on a vu un peu des choses, et surtout quand on est Camus et qu'on a vu ce qu'on a vu, quoi. On a vraiment des trucs terribles. Dans sa vie privée, perdre sa mère, perdre sa grand-mère, perdre son père, etc. Et puis connaître la guerre, et puis connaître les copains qui meurent, massacrés par la Gestapo, et puis, etc. C'est sûr que le nietzschéisme en prend un coup. Et on est obligé de revoir sa position sur ce terrain-là. Mais sur le mode synthétique, on pourrait dire que le grand oui à tout n'est pas possible. Il faut dire un non à ce qui n'est pas pensable. Et puis, sur le mode synthétique, se dire qu'il faut ne pas oublier quand même qu'il nous reste à dire oui à ce à quoi il nous faut dire oui. Et c'est la grande leçon nietzschéenne de Camus. C'est la grande leçon de Nos. Quand je vous disais qu'on pouvait vivre selon Nos, c'est ça. Ça veut dire aussi tâcher de dire oui à ce qui dit oui à la vie en vous. Et vous verrez déjà que ça change la vie, pour le coup, de savoir qu'on n'a pas en Nietzsche un intégriste à dire « Inch'Allah », que j'ai oublié de parler de l'islam, mais l'islam est effectivement un déterminisme intégriste, intégral. J'ai intégriste aussi, mais bon. Et, où on vous dit « bah voilà, si Dieu le veut, c'est comme ça, Dieu il a tout décidé, tout écrit, et puis voilà. Bah voilà, on s'arrête là-dessus. » C'était « Contre-histoire de la philosophie » de Michel Onfray. Prise de son, Jean-Noël Durand, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Lundi, guerre à Saint-Germain-des-Prés.